Moi, c'est ma révolte qui me permet de vous parler. Si j'avais pas la révolte, je pourrais pas vous parler, frère, ça serait chez nous. Je m'ouvrirais une petite librairie ésotérique, je vendrais mes petits livres tranquillement, pas vite. Je serais comme lui, là, monsieur machin, là. Une librairie, lui. Je me ferais une petite librairie quelque part, là, à Sainte-Adèle, là. Je vendrais des livres, la vie des maîtres, la cosmogonie. Je m'en irais chez nous à 5 heures, puis je regarderais la télévision, parce que moi, ma vie est bien, bien simple. C'est ma révolte. C'est ça, mon tonique. C'est ça qu'il faut que je gueule de temps en temps, parce que c'est quand je gueule que j'aime ça. Quand je regarde la télévision, je regarde toujours la psychologie derrière l'affaire. La psychologie, tout m'intéresse, tout m'intéresse. Je t'intéresse à tout. Mais je vois tout avec mes yeux, pas avec les yeux de la télévision. Très à tout. Plus tu deviens conscient, plus tu t'intéresses à tout. Mais moins tu veux savoir de tout. Et tu t'intéresses à tout. Mais tu souffres pas de ce qui se passe à tes visions. Est-ce que tu comprends? Mais je sais que plus les gens avancent dans leur intelligence, moins ils sont pognés dans l'illusion de sauver le monde. En tout cas, je sais que c'est pas Émile Michaud qui va le faire. Il est pas intéressé non plus. Au moins, il y a ça de safe. Mais ça nous passe par l'esprit au début. On a une petite touche de folie. T'sais. Hein? On a une petite touche au début. Hein? Hein? Ah. Tu peux perdre 2-3 ans ton énergie. C'est pas facile d'être centrique. Parce qu'on était habitué contre ça. Il faut qu'on découvre, plus on devient intelligent, plus on découvre ce que ça implique de l'intelligence chez soi, en soi. On le découvre. Il faut qu'on se rapporte cette intelligence-là à soi-même. Faut qu'on le rapporte à soi-même. Faut qu'on s'en serve pour soi-même. Sans ça, on est fini. Oui, t'as quelque chose à apprendre là-bas, dans votre bureau, dans votre compagnie. Là. Ça n'en prend pas gros, hein, pour créer des remous. C'est de métier. Je veux parler avec toi. Cette tendance à vouloir te transformer de situation, à vouloir la changer, à vouloir que l'espace où tu travailles soit plus ordonné ou soit plus schématique, ou qu'il y a des choses qui sont de l'ordre. Nécessairement, ça porte des conflits chez les gens avec qui tu travailles. C'est ça que tu appelles porter ma mission ou convertir les autres. Oui. Tu as une tendance à ça. Pour pouvoir changer un environnement, il faut que tu aies le pouvoir de la parole. Si tu n'as pas le pouvoir de la parole, tu ne peux pas. Moi, j'ai travaillé dans une compagnie durant mes années. Je travaillais dans une compagnie, une librairie. J'ai changé tout le monde. Tout le monde. Le gérant, les vendeuses. Tout le monde était sur ma longueur d'onde. C'est pas, j'ai le pouvoir de la parole. Mais ce qui est arrivé, c'est que notre magasin, donc, qui faisait partie d'une grosse chaîne, c'est devenu comme un magasin à part. Automatiquement. Les gars, ils arrivaient avec le gros. Les vendeurs de livres, ils arrivaient avec le pile de livres. Les presses de la cité, pis tout. Ils m'arrivaient avec des paquets de livres de même. Deux gros paquets de livres. Moi, je prenais les livres, je passais à travers dessus, j'étais ça, c'est bon, je prends ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Le gars, il s'abstient de Ça prend une plus voix, la parole! Il me disait, t'as tout lu ça? Je disais oui. Je t'ai pas vous dire quand il comptait ma vie, mais vous autres, vous comptez votre vie. C'est là que vous faites pas d'erreur. Et là, oui, il me pensait que je te mène érudit. Je t'ai envoyé le patron une journée, j'ai dit, tu devrais commander 400 cosmogonies d'Urantia. Il a sauté de même. C'est pas des livres, c'est pas comme les Alouettes, ces affaires-là. Puis, des livres, tu sais, qui sont là. 400 cosmos. Il dit, what's that book? Oh, j'ai dit, it's a very interesting book. J'ai dit, you should order 400 of those. J'ai dit, le prix va monter à 150$. Mais, il ne voulait pas. Fait qu'un jour, le prix est monté à 148$. De 35$ à 148$. Là, je l'ai appelé au head office. J'ai dit, appelle donc les MEAC, m'en dis donc comment ça vaut la cosmogonie d'Urantia. Il a appelé chez les MEAC, ils ont dit 148$. Le bonhomme, il est sauté haut de même, le juif. Il dit, mange de la merde, la prochaine fois, tu m'écouteras. Ensuite, il voulait que je devienne supervisor. J'ai dit, le clip, tu sais, que fraise dans mon trou. Je suis bien, là. C'est mon sac. Il voulait que je devienne supervisor. J'ai dit, moi, si je deviens supervisor, tu vas aller tweets, tu vas sortir de la présidence parce que moi, je vais runner tout le show. Ils m'ont fait venir, je dis, ils ont insisté que j'aille d'une conférence. Il y a des compagnies, ils ont des conférences. Là, toutes les head staff se rencontrent. Puis, je t'avais une maudite énergie, cette journée-là. Fait que, dans la conférence, le gros round table, à peu près 15-16 personnes, j'ai commencé à parler, puis j'ai fini de parler, la conférence était finie. Je connaissais tout le stock, l'inventaire, les prix, les hausses à Vancouver, à New York, à Toronto, final. J'ai parlé pendant toute la conférence, il n'y a personne qui pouvait m'arrêter, parce que quand je parle, tu m'arrêtes pas. J'ai parlé toute la conférence, au bout d'une heure, c'était final, ils sont sortis, ils m'ont vraiment réinvité. À un certain moment, faut que tu contrôles. Faut que tu contrôles ça, cette énergie-là. Sans ça, là, ils veulent te mettre gérant, puis gérant, des gérants, puis ça s'arrête plus. T'sais. Avec des cordes attachées. Tu peux pas faire ça. Fait que, le bonheur, pour contourner le problème, il vient me voir une journée, puis il m'accuse devant les. Il m'accuse devant les autres personnes de ne pas prendre des intérêts à cœur de la compagnie, d'être trop intéressé à mon petit confort personnel, puis à ne pas vouloir évoluer dans la compagnie. Fait que là, je l'ai accroché bien vite. Là, j'ai dit, là, tu m'accuses de quelque chose. J'ai dit, devant eux autres, je veux que tu. Comment est-ce qu'on dit ça? You owe me an apology. Tu me dois des excuses. Parce que si tu ne me donnes pas des excuses, moi, je m'en vais. Puis moi, j'avais fait monter son stock dans la compagnie de 15 à 45 de sorte que le département français était devenu on top, puis le département anglais était on the bottom. Fait que tu comprends que le président de la compagnie, il m'en a-tu fait des excuses vite? Tu instantanément, sans ça, je partais. M'en est là. T'es indépendant. T'es un agent libre. Comment tu? Je suis devenu une légende. La compagnie classique, tu vas demander ça à Bernard Boucher. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Mais il faut le contrôler, cette énergie-là. Sans ça, ben là, tu es pris dans tes sentiments, puis tu veux monter parce que tu as l'énergie pour faire chose, puis faire chose, puis faire chose. La première chose, c'est que tu es rendu gérant, puis tu es l'esclave de la compagnie. Parce que c'est toujours le président, puis le trésorier, puis ceux qui sont dans l'administration qui contrôlent les bars. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais avec un petit yo-yo parce que t'es intelligent? Alors, fait que moi, j'étais bien, j'avais ma petite job. Hein? Mon peinture? Mon peinture. C'est ça, je vous dis, pas contrôler l'énergie. C'est subtil parce que quand t'es dans l'énergie, pis si moindrement tu travailles dans un système, tu peux pas faire autrement que changer puis améliorer. Parce que tu vois tout. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais pas s'il y en a qui connaissent Gilles Garon. Tu connais Gilles Garon? Tu connais Gilles Garon?

Puis avec le temps, ben. Il y en a qui n'ont pas ce problème-là. Daniel, machin, il n'a pas ce problème-là. Lui, il est chanceux. Lui, il n'a jamais souffert de cette affaire-là. Mais ça dépend des tempéraments, ça dépend des caractères, et ainsi de suite. Mais il y a des gens que, ils ont des flashs. Comme lui, là, il m'a dit quelque chose d'intelligent ce soir. S'il avait dit ça, il y a bien longtemps, il aurait piétiné dessus, puis il aurait tourné de bord, puis il aurait venu me voir, puis il aurait checké avec moi pour voir si c'était ça. Vous savez? Parce que son ego n'aurait pas été suffisamment ferme dans le mental pour l'absorber, c'est ça. D'absorber l'énergie, c'est ça. Parce que dans le fond, l'intelligence, c'est absorber de l'énergie. C'est ça de l'intelligence. C'est absorber de l'énergie. C'est avec le temps que notre corps. C'est toi que je dis, plus on avance dans la conscience cosmique ou dans la conscience, plus nos corps s'ajustent, plus nos corps s'ajustent, le mental s'ajuste, l'émotionnel s'ajuste. Éventuellement, les corps sont tellement ajustés, choses, que l'énergie passe, puis tu dis ce que tu dois dire. Il n'y a plus de chambranlement dedans, il n'y a plus de tremblement dans l'âme. Plus de doute. T'es bien quand moi, c'est pour ça que j'apprécie l'intelligence. Parce qu'il n'y a plus de doute. Je souffre plus de doute. Puis je ne vis pas. Quand même, tu viendras à moi, puis tu me diras, tu me crieras par la tête. Je suis bien calme dans le mental. Ici, tu ne vis pas, puis ici, ça. Là, j'attendrai. J'attendrai de voir pourquoi est-ce que tu me cries par la tête. Parce que si tu me cries par la tête, il y a une raison. Fait que là, je l'absorberai ton énergie, puis je dirais, ouais, ça a du bon sens ce que tu dis, mais là, je redescendrai ta vibration, puis là, tu continueras, puis j'ouvrirai un autre porte pour toi, pour que tu puisses continuer, puis la prochaine fois, pour me courir vers la tête. Mais au moins, dans mon mental, c'est toujours neutre. J'ai jamais de doute. Jamais de doute. Fait que il est là le plaisir de l'intelligence. Avoir le plaisir de l'intelligence, c'est ne pas pouvoir douter. Quand tu doutes plus de ton intelligence, mais là, t'es bien. Tu relaxes une fois pour toutes. Puis là, t'en bénéficies, puis les autres peuvent en bénéficier, parce que les autres le sentent quand t'as pas de doute dans ton intelligence. Ça te sent. Quand t'as du doute dans ton intelligence, ça se sent. Puis quand tu n'as pas, ça se sent. Quand tu doutes, ça se sent, parce que la façon que tu vas parler, tu vas dire, je pense que. Moi, je suis pas capable de dire, je pense que. Je pense que. Au début, tu peux pas le faire absorber. Tu le fais confirmer par Bernard. C'est toi qui l'as dit, là, tu dis, peut-être que Bernard va jouer à tout. Ouais. Regardez comment vous parlez quand vous parlez au monde. Vous allez voir que souvent vous allez dire je pense que. Aussitôt que tu dis je pense que, tu diminues la vibration des gens. C'est parce que vous avez l'illusion d'humilité, exactement. Vous voulez un, ça c'est normal. Vous voulez pas vous imposer à d'autres. Je pense que. Mais tant que vous n'êtes pas sûr, vous êtes obligé de dire je pense que. Parce que si t'es pas sûr et que tu dis pas je pense que, tu vas te tromper quelque part. Il y en a un qui va t'accrocher dans les tournants. Faut que tu puisses plus dire je pense que. Faut que tu aies des réponses à tout. Faut que tu aies des réponses à tout, mais faut que tu sois dans la vibration. Il y avait un drôle de jeu à un moment donné, je t'ai demandé quelque chose pour confirmer. Là, j'ai dit peut-être qu'il me joue un tour. Mais si tu parles intelligence, tu peux voir juste parce qu'il te dit qu'il ne peut pas te jouer un tour. Ouais. D'ailleurs, fais confirmer quelque chose, mais l'intelligence que tu as à ce moment-là, la façon dont il envoie ça, il n'est pas capable de te jouer un tour. Je vous joue jamais tour, moi. Des fois, faites attention à ce que je vous dis, c'est tout dangereux. Ouais, ça c'est pour vous faire réaliser l'importance de ne pas me croire. Mais moi, je vous juge jamais de tôt. J'ai pas de temps à faire. Jamais je vous juge de tôt. Mais je vais créer des conditions pour que vous autres, vous croyez que je vous joue un tôt. Puis en croyant que je vous joue un tôt, là, vous autres, vous êtes poignés dans le doute. Vous êtes obligé de le vivre. Ben moi, personnellement, je vous juge jamais de tôt. Jamais. On peut se jouer un tour nous-mêmes en ce sens que, comme tout ce que tu dis, est sujet à une déclaration plus vaste. C'est ça. On peut se jouer un tour. C'est ça. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. C'est ça que je dis.